Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Érasme, le prince des humanistes. Ce qui me paraît si intéressant chez Érasme, ça a été son dilemme, n'est-ce pas ? Se trouvant entre des catholiques auxquels il restait profondément attaché par l'essentiel de la doctrine et des protestants dont tous les projets de réforme avaient son adhésion, mais qu'il ne pouvait pas suivre et qu'il n'a pas suivi. Ce dilemme dont parle l'historienne de la littérature et spécialiste d'Érasme, Marie Delcourt, à l'émission « Des livres et des hommes » en 1968, il est au cœur, ce dilemme-là, de la pensée d'Érasme. Critique de son Église, il est réformateur, c'est vrai, mais pas jusqu'au boutiste. Et si certaines de ses idées seront reprises par un Luther, par exemple, Érasme va lui rester toujours fidèle à l'Église catholique. L'un des plus brillants esprits de son temps, l'influence d'Érasme est énorme chez ses contemporains et son livre, « L'éloge de la folie », reste aujourd'hui encore un grand classique. Quels que soient les propos que le monde tienne sur mon compte, car je n'ignore pas combien la folie est malfamée, même auprès des plus fous, il n'est pas moins vrai que c'est moi, oui, moi seul, qui est le secret d'égayer les dieux et les hommes. Ce qu'il prouve hautement, c'est qu'à peine ai-je paru au milieu de cette nombreuse assemblée pour prendre la parole, une gaieté vive et extraordinaire a brillé sur toutes les figures. Soudain, vos fronts se sont déridés, vous avez applaudi par des rires si aimables et si joyeux qu'assurément tous, tant que vous êtes, vous me paraissez ivre du nectar des dieux d'Homère mélangé de Népenthès, tandis que tout à l'heure, sombre et soucieux sur vos temps. On vous eût pris pour des échappés de l'antre de Trophonius. De même que quand le soleil montre à la terre sa face éclatante et radieuse, ou qu'à présent, un univers, le printemps reparaît, ramené par les zéphyrs, tout change aussitôt d'aspect. La nature rajeunie se part de riantes couleurs. De même, à mon apparition, vos visages se sont transformés. Extrait de l'émission Radio-Collège, diffusée en 1954. C'est un extrait de l'éloge à la folie qu'on vient d'entendre. Et vous l'aurez compris, c'est la folie qui s'adresse à nous dans cet extrait. Pour nous parler d'Érasme, l'homme derrière cette désormais célèbre éloge de la folie, je reçois Claude Lacharité, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé à l'Université du Québec à Rimouski. Claude Lacharité, bonjour. Bonjour, Jacques. On parle souvent d'Érasme comme du prince des humanistes. Un peu une expression qui est devenue consacrée à Claude Lacharité. Pourquoi? Quelle place occupe Érasme parmi les grands humanistes de son temps? Alors, Érasme de Rotterdam est certainement la grande figure de l'humanisme de la première moitié du 16e siècle. C'est peut-être même l'humaniste le plus important de la période. Alors, il se distingue de ses contemporains comme Thomas More, qui est son ami, par son refus de participer à la vie politique de son temps. On sait que Thomas More va payer de sa vie cet engagement politique auprès d'Henri VIII. Il se distingue également par le choix qu'il fait du latin. Toute son œuvre est écrite exclusivement en latin, à la différence d'un Rabelais, son contemporain, par exemple, qui, lui, écrit toute sa fiction romanesque dans sa langue maternelle, le français. Mais peut-être ce qui est le plus important, je dirais, c'est le fait que toute l'Europe lettrée de l'époque se réclame de la pensée d'Érasme. Oui. Pour donner les deux exemples que j'évoquais il y a un instant, Thomas More et François Rabelais, bien qu'ils soient tous deux des grands humanistes, en fait, tous les deux sont aussi de fervents admirateurs et des disciples avoués d'Érasme de Rotterdam. Donc le prince des humanistes, parce que c'est lui qui est au-dessus de la mêlée, qui domine tous les autres et qui les inspire. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette si grande influence qu'il aura? Bien, je pense qu'il y a trois choses. D'abord, le choix du latin, comme j'y insistais il y a un instant, qui permet en fait de rejoindre un lectorat au-delà des frontières politiques. Il peut s'adresser à toute l'Europe cultivée en écrivant en latin. Ensuite, il y a, je dirais, un élément central à s'en passer qui est l'éducation. Et toute la période est en fait obsédée par la pédagogie, par la manière, en quelque sorte, de former un être humain. Comme Érasme le dit très bien dans un traité, on ne naît pas homme, on le devient. Et on le devient grâce à l'éducation. Et c'est vraiment, je dirais, un des éléments centraux de sa pensée. Et puis, peut-être le dernier point, c'est le réseau. Érasme est à la tête d'un très vaste réseau qu'il entretient grâce à une correspondance avec tout ce que l'Europe de l'époque compte de gens importants, aussi bien sur le plan religieux, religieux que sur le plan politique ou sur le plan littéraire et intellectuel. Et avant d'avoir ce réseau, il faut comprendre d'où il partait. Et comme on dit, il part de loin. Erasme, parlons un petit peu de ses origines. Avant d'être cet esprit très, très influent qu'il sera, il vient d'un milieu très, très modeste. Rien ne le prédestinait à atteindre... ce degré d'influence qu'il va atteindre. Effectivement, en fait, hein, Erasme de Rotterdam, déjà son nom est tout un programme. On ignore son nom de famille tout simplement parce que c'est un enfant naturel qui est né des amours d'un prêtre avec une fille de médecin. Et donc, évidemment, quand on est dans de telles conditions au 16e siècle, on porte une sorte de tare. On ne sait même pas la date exacte de sa naissance. On imagine que c'est vers 1467, 69 peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que, évidemment, Erasme va connaître le destin, justement, d'un enfant naturel ou d'un enfant illégitime. Il va entrer dans les ordres, probablement contre son gré. Hein. Il va prononcer ses vœux chez les chanoines de Saint-Augustin, chez Astein, aux Pays-Bas, en 1488. Mais très tôt, il va s'apercevoir qu'il n'est pas fait pour la vie monastique. Il va quitter son couvent en 1493 en devenant secrétaire de l'évêque de Cambrai. Et dès 1500, en fait, il va voler de ses propres ailes en voyageant à peu partout, en particulier à Paris, hein, où il va devenir précepteur, mais où il va aussi rencontrer des personnages importants de l'époque, comme Jean Lascaris, qui est un grand helléniste, et Erasme va être reconnu en son temps comme un grand spécialiste du grec ancien. Il va ensuite s'installer dans les années 1520-1530 à Bâle, où il va collaborer étroitement avec ce qui est sans doute celui qui est sans doute le plus grand imprimeur de l'époque, Jean Froben. Il va d'ailleurs mourir à Bâle en 1536. En fait, ce qui est frappant avec Erasme, c'est que c'est vraiment un self-made man. C'est un homme qui s'est fait lui-même à force de culture, à force d'intelligence, à force de travail. Il a réussi, en quelque sorte, à surmonter la condition à laquelle il était presque prédestiné et en étant un enfant naturel et illégitime. Et qui a une production littéraire assez colossale. Il y a bien sûr l'éloge de la folie, sur laquelle on va revenir dans un instant, mais il y a tout le reste. Claude la charité, c'est très, très vaste comme programme. Effectivement, les œuvres complètes d'Erasme, c'est 10 gros volumes in folio d'à peu près 1000 pages, donc 10 000 pages en tout pour donner un ordre de grandeur. Et l'éloge de la folie là-dessus, ça représente 300 pages, donc à peine 3 %. Alors c'est une œuvre absolument colossale qui est, je dirais, constituée par beaucoup de traités de pédagogie, par toute une réflexion sur la spiritualité, par des études sur la Bible. Hein. Il va entre autres paraphraser la Bible et même proposer une nouvelle traduction latine du Nouveau Testament à partir de la langue originale grecque. Et il y a aussi sa très importante correspondance hein, qui lui permet en quelque sorte d'être en lien avec tout ce que l'Europe de l'époque compte de gens importants et influents. Et puis, il y a l'éloge de la folie. Fatalement, on y revient. Et avant d'en parler, on écoute ce qui suit. Le peuple ne supporterait pas longtemps son prince, le valet son maître, la suivante sa maîtresse, l'écolier son précepteur, l'ami son ami, la femme son mari, l'employé son patron, le camarade son camarade, l'hôte son hôte, s'ils ne se maintenaient l'un l'autre dans l'illusion, s'il n'y avait entre eux tromperie réciproque, flatterie, prudente connivence. Enfin, le lénifiant échange du miel de la folie. Eh bien, l'éloge de la folie, c'est le plus célèbre des ouvrages d'Erasme, mais c'est aussi un des plus difficiles à comprendre. Erasme a voulu donner la parole à la folie pour montrer... quelle était l'immensité de son empire. Naturellement, c'est une conception très originale. C'est un ouvrage dont l'originalité, au fond, tient principalement à ce que c'est la folie qui a la parole. Michel Barraz, à l'émission Erasme en son temps, diffusée en 1969. Et juste avant, vous entendiez le comédien Roland Chenaille lire un extrait d'Éloge de la folie à la même émission. Que raconte donc ce texte, Claude Lacharité? Pourquoi est-il si important? Bien, en fait, c'est, comme le titre l'indique bien, un texte qui fait l'éloge de la folie, hein, qui vante la grandeur de la folie. Et l'originalité du texte, c'est que c'est un personnage qui, je dirais, incarne la folie, c'est la personnification de la folie qui fait son propre éloge, hein, ce qui est évidemment tout à fait inconvenant. C'est aux autres, habituellement, de faire notre éloge. Mais comme la folie est folle, après tout, hein, c'est tout à fait normal qu'elle contrevienne aux règles de politesse élémentaire. Et donc, évidemment, c'est intéressant parce que ce personnage de la folie, c'est un peu comme le fou du roi. Ouais. C'est le personnage qui a le droit de dire ses vérités à tous les personnages du monde de l'époque, tous les puissants, les rois, les théologiens, les médecins, etc. Parce que justement, c'est un personnage fou, hein, qui ne respecte aucune règle, qui ne respecte aucune forme d'autorité, qui n'a aucune révérence pour... Formidable astuce. Voilà, exactement. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, Érasme, en écrivant l'éloge de la folie, fait renaître un genre littéraire de l'Antiquité qui s'appelle l'éloge paradoxal. L'éloge paradoxal, ça consiste justement à louer ce qui est généralement considéré comme blâmable. Et il y a un certain nombre d'exemples célèbres qu'Érasme connaît très bien puisqu'il en parle dans la préface de son éloge de la folie. Par exemple, l'éloge de la mouche par un auteur grec de l'Antiquité tardive qui s'appelle Lucien Samosate. Et dans cet éloge de la mouche, hein, Lucien dit que la mouche n'est pas du tout un animal nuisible, c'est pas du tout un insecte parasite, c'est au contraire le chef-d'œuvre de la création. Autre exemple d'éloge paradoxal, l'éloge de la calvitie par Synésios de Cyrène, dans lequel texte cet auteur, lui aussi grec de l'Antiquité tardive, dit que finalement la calvitie, c'est pas du tout une tare physique, c'est au contraire le symbole même de la sagesse, puisque tous les hommes sages, c'est bien connu, sont chauves. Ouais. Cet éloge de la folie, il l'a dédié à son ami, dont on a parlé, Thomas More. Pourquoi? Puis ça nous permettra en même temps de parler de leur amitié, mais pourquoi d'abord cette idée de dédier? C'est son ami et il écrit l'éloge de la folie en lui disant « Tiens, c'est pour toi ». Effectivement, hein, ça paraît curieux. Ça laisse peut-être entendre que Thomas More est fou, mais en fait, c'est pas du tout l'intention d'Érasme. En fait, il joue sur le rapprochement de deux mots. Hein. Moria, c'est le terme latin de la folie, et Morus, hein, c'est la version latinisée du nom de son ami Thomas More. Donc, on voit bien la ressemblance entre Moria et Morus, mais dans sa préface et dans sa dédicace, hein, Érasme insiste sur le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences trompeuses, puisqu'il n'y a rien de plus éloigné de la folie que Thomas More, ouais, précisément. Donc, il y a une espèce de jeu de connivence, un jeu érudit, tout à fait dans l'esprit des humanistes de l'époque, et Thomas More va lui rendre la politesse, puisqu'en 1516, lorsqu'il fait paraître l'Utopie, hein, il y a en filigrane de ce texte très important la figure d'Érasme de Rotterdam, parce que dans la version de travail, hein, Thomas More avait prévu d'intituler son Utopie « Éloge de la sagesse ». Donc, on voit bien, hein, la manière dont il répond à l'éloge de la folie d'Érasme. En fait, c'est un hommage qu'Érasme rend à Thomas More. Ils sont très proches l'un de l'autre et ils vont s'apporter beaucoup l'un l'autre. Oui, effectivement, ils vont entretenir, hein, une amitié qui va durer toute la vie de Thomas More, puisque malheureusement, Thomas More va mourir avant Érasme. Ouais. Revenons un petit peu et un peu plus en détail sur l'importante œuvre d'Érasme, au-delà justement de son éloge de la folie. Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais l'une de ses obsessions, l'un de ses thèmes de prédilection, c'est celui de l'éducation et de la pédagogie. À peine âgé de 4 ans, les enfants sont envoyés dans une école où préside un maître inconnu, Rusto, de mœurs assez relâchées, quelquefois même au cerveau dérangé, souvent lunatique, sujette à l'épilepsie ou même atteint de cette lèpre qu'on appelle couramment de nos jours la gale française. On dirait pas que c'est une école, mais une salle de torture. On y entend que crépitements de férules, sifflements de verges, cris et sanglots, menaces épouvantables. Je l'avoue, de même que les philosophes décrivent le sage et les rhéteurs l'orateur, en des termes tels qu'ils sont à peu près introuvables en aucun lieu, de même il est beaucoup plus facile de prescrire les qualités que doit posséder un précepteur que d'en trouver beaucoup qui répondent au modèle prescrit. Mais ce devrait être un souci d'ordre public, tant du magistrat civil que des autorités ecclésiastiques. De la même façon que l'on instruit des jeunes gens dans l'intention de les faire servir à la guerre ou chanter dans les églises, ainsi devrait-on bien davantage former des maîtres capables de donner aux fils de nos concitoyens une éducation libérale de haute qualité. À nouveau, le comédien Roland Chenaille à l'émission Érasme en son temps, diffusée en 1969. Alors, quelle vision a-t-il, Érasme, de l'éducation des enfants? C'est une question qui est centrale, hein, dans l'ensemble de son œuvre. Le grand spécialiste d'Érasme, aujourd'hui décédé, Jean-Claude Margolin, utilisait une très belle formule pour décrire Érasme en l'appelant le précepteur de l'Europe. Et c'est effectivement ce qu'il a été en son temps. Il va écrire un nombre considérable de traités de pédagogie, de traités d'éducation. Dans ses premières années à Paris, au tournant du siècle, vers 1500, donc, il a été précepteur d'enfants et donc il a dû concevoir un certain nombre de traités pour former justement les élèves qui lui étaient confiés. Alors, il va écrire, par exemple, un traité sur l'art d'écrire des lettres, le De Conscribendis Epistolis en 1522. Il va concevoir un programme d'études idéales, le De Ratione Studii, qu'il fait paraître en 1511. Il va aussi publier un traité très important sur l'abondance du style, le De Copia en 1512. Hein, et je dirais, Rabelais, dans son œuvre, incarne à merveille ce principe d'abondance stylistique prôné par Erasme. Mais je dirais, le plus important, c'est que pour Erasme, une véritable éducation ne doit pas simplement comporter un volet intellectuel. Il faut aussi former les mœurs des enfants. Hein. C'est la raison pour laquelle, en 1529, il publie un De Pueris Instituendis, où il avance la formule que j'avais évoquée il y a un instant, à savoir qu'on ne naît pas homme, mais on le devient grâce à l'éducation, ce qui est une manière de suggérer que les gens incultes, malheureusement, aux yeux d'Erasme, restent des bêtes toute leur vie. Hein. Et c'est aussi, je dirais, dans un traité comme le De Civilitate Puerilium Morum, donc la civilité des mœurs des enfants, Erasme va également se préoccuper de politesse, de savoir-vivre, en disant par exemple qu'il ne faut pas se moucher dans la nappe, hein, ce qui peut paraître très surprenant pour nous, mais ce qui indique aussi que ça devait être une pratique courante à l'époque. Hein. Donc la bonne éducation, qui fait partie aussi de l'éducation. Tout à fait, exactement. On assiste au début de ce que l'historien allemand va appeler la civilisation des mœurs. C'est à cette époque que s'invente la politesse et le savoir-vivre. Les traités de spiritualité, les travaux qu'il va faire, Erasme, sur la Bible, sur le Nouveau Testament en particulier, occupent également une place importante dans son œuvre. Ça reste, il faut le dire, c'est un homme d'érudition, bien sûr, mais qui reste d'abord et avant tout, pour lui, l'essentiel reste la piété dans la foi. Ça, c'est important, parce qu'autant il va être critique de l'Église, autant il va toujours être fidèle à son Église. Effectivement, même si c'est un moine défroqué, hein, il va, je dirais, consacrer une bonne partie de ses travaux à la spiritualité et à la Bible. Hein. C'est vraiment quelque chose qui l'obsède. Il va, comme je le disais il y a un instant, retraduire en latin la Bible à partir de la langue originale grecque parce qu'il est un petit peu découragé par la tradition médiévale du christianisme qui lui semble très éloignée de l'enseignement du Christ, justement. Et pour retrouver, je dirais, le sens originel de l'enseignement du Christ, il croit, comme à peu près tous ses contemporains humanistes, qu'il faut en fait recourir aux langues originales, donc l'hébreu pour l'Ancien Testament, le grec ancien pour le Nouveau Testament. Il va paraphraser, commenter longuement le texte biblique et il va finir par le retraduire en latin. Le problème, c'est qu'Erasme n'est pas un théologien de formation. Et aux yeux de l'Église catholique, ce qu'il fait là est absolument impardonnable, puisqu'il faut être un théologien pour pouvoir parler de la Bible, pour pouvoir la commenter. Or, bien qu'il soit un moine défroqué, Erasme n'est pas un théologien et donc il va être censuré par la faculté de théologie de Paris, c'est-à-dire la Sorbonne. Mais en fait, ce qu'il plaide, c'est la démocratisation des... Les enseignements du Christ doivent appartenir à tous. C'est un peu ça, à son propos. Effectivement. Hein, de ce point de vue-là, Erasme est beaucoup plus proche de la conception que les protestants ont de la Bible. Hein. Oui. Les protestants estiment que tous les croyants devraient pouvoir avoir accès à la Bible. C'est aussi ce que pense Erasme. D'ailleurs, je dirais, beaucoup de ses ennemis vont faire une sorte d'amalgame en reprochant à Erasme d'être en réalité une sorte de figure un peu hypocrite qui se dit catholique en public, mais qui serait secrètement protestant. On a d'ailleurs une expression très courante qui circule au 16e siècle qui est que Erasme aurait pondu l'œuf que Luther va couver pour suggérer l'idée que finalement Erasme a ouvert la voie au protestantisme et à l'hérésie du point de vue de l'orthodoxie catholique, alors qu'en réalité, Erasme a toujours refusé de passer du côté de la réforme. Hein. Simplement, comme beaucoup de ses contemporains, il partage les critiques que les luthériens et les protestants adressent à l'Église catholique, mais il ne souhaite pas pour autant quitter le giron de l'Église catholique. Et ça va le suivre. On revient à ce dilemme dont parlait dès le début de l'émission l'historienne de la littérature Marie Delcourt. Il est critique, il est d'une certaine façon réformiste, réformateur, mais pas jusqu'au bout. Oui, effectivement. En fait, on est dans une période assez trouble où les frontières confessionnelles sont encore extrêmement floues. Hein. Pour nous, tout est clair. Il y a d'un côté l'Église catholique, de l'autre le luthéranisme, le calvinisme et les différentes confessions protestantes. Mais dans la première moitié du 16e siècle, les choses sont nettement moins claires. En fait, il y a toujours l'espoir secret qu'il y aura une sorte de réconciliation possible. Hein. Effectivement, ouais. Il y a de nombreuses démarches qui sont tentées tout au long du siècle, mais qui ne porteront malheureusement jamais fruit. Revenons sur cette amitié qui va lier Erasme à Thomas More. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais ils sont donc très, très proches philosophiquement. Mais il y a une grande différence qui les distingue. Contrairement à Thomas More, Erasme va toujours, il va être très prudent, va toujours garder une distance face au pouvoir politique. Effectivement, en fait, Erasme se méfie beaucoup du danger que représentent les princes, les hommes politiques, les têtes couronnées. Évidemment, on n'est pas dans un régime démocratique dans l'Europe de la Renaissance. On a affaire à des pouvoirs monarchiques, à des pouvoirs aussi généralement absolutistes. Hein. Et donc, Erasme considère que l'humaniste est une sorte de papillon aux ailes très fragiles qui risque de se brûler les ailes à la flamme du pouvoir politique. Et c'est ce qui explique qu'il s'est toujours tenu à distance, mais qu'il a néanmoins cherché à influencer malgré tout hein, les personnages importants de son temps. Par exemple, Charles Quint, qui est roi d'Espagne, mais qui est aussi empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique et qui règne sur le pays natal d'Erasme. Il va rédiger un traité hein, de l'institution du prince chrétien en 1515, qui est en fait dédicacé au précepteur de Charles Quint. On voit bien là la tentative de contribuer à sa façon à la formation du prince pour qu'il devienne un gouvernant éclairé. Et de la même façon, lorsque François Ier va créer le Collège des lecteurs royaux, ce qui est devenu le Collège de France actuel, c'est une institution qui a été pensée pour favoriser l'étude des langues classiques comme le grec ancien, l'hébreu, le latin, oui. À l'abri des persécutions de la Sorbonne, bien, le roi François Ier va tout faire pour attirer Erasme comme professeur de cette nouvelle institution. Et à chaque fois, Erasme va refuser poliment parce qu'il mesure le risque qu'il courrait en s'exposant directement à l'influence politique d'un personnage comme le roi de France. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment l'anti-Thomas More. Oui. Oui, qui, encore une fois, va, lui, être très près du roi, conseiller de l'échiquier, mais va le payer de sa vie. On termine avec ce qu'il nous laisse et ce qui reste de cette œuvre colossale. Il y a l'éloge de la folie, mais il y a bien autre chose, on l'avait avec vous. Au final, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'on a retenu de lui, d'Erasme? Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'il y a d'abord un programme d'échange universitaire en Europe qui porte son nom, le programme Erasmus, hein, qui encourage la mobilité des étudiants à l'échelle de toute l'Europe. Et ça, c'est vraiment un bel hommage, puisque c'est tout à fait dans l'esprit d'Erasme, qui a lui-même parcouru tout le continent européen, qui a entretenu des liens privilégiés avec les humanistes de tous les pays d'Europe. Donc, le programme Erasmus, c'est probablement un des plus beaux hommages qu'on pouvait lui faire. S'il revenait du pays des morts, il en serait certainement très heureux. Ouais. Mais d'une manière plus générale, on pourrait dire que partout où on valorise l'éducation comme un facteur d'épanouissement, partout où on défend la liberté intellectuelle, partout où on cultive l'ironie, la culture comme un ferment civilisateur, en réalité, on est, je dirais, tout à fait dans l'héritage intellectuel et littéraire d'Erasme de Rotterdam. Claude La Charité, c'était un bonheur de vous entendre nous parler d'Erasme, écrivain, professeur, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé à l'Université du Québec à Rimouski. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.